Bonjour à tous. Aujourd'hui, feuilleté de poireaux plus noix pour 4 personnes. Une pâte feuilletée, 6 petits poireaux, 150 g de cerneau de noix, 1 œuf, 20 g de beurre, 15 cl de vin blanc, 1 demi-litre de crème entière épaisse, du sel et du poivre. Taillez les blancs de poireaux avec un peu de verre en fine julienne. Bien les laver, les éponger, les faire suer au beurre doucement, ajouter vin blanc et laisser mijoter 15 minutes. Crémez plus les noix et assaisonnez. Découpez la pâte feuilletée en 4 triangles. Garnir le centre avec de l'appareil au poireau. Sceller les bords en humidifiant légèrement. Dorer à l'œuf. Enfourner 180 degrés 25 minutes. Servir avec une salade de mesclun, un petit vin conseillé, un Riesling à boire avec modération.